وأما الكتاب أصول الإيمان فقد وصلنا إلى الحديث الثاني بعد المئة. Et donc, en ce qui concerne le livre Les Fondements de la foi, on est arrivé au hadith numéro 102. Aujourd'hui, on verra qu'un hadith, inshallah. On ne va pas faire bien long, bi'iznillahi ta'ala. Pourquoi ? Parce que les hadiths qui viennent après, ils concernent un autre sujet. Et je ne voulais pas mélanger donc deux sujets différents dans une seule séance. L'auteur qui nous dit, rahimahullah, وعن عمر ابن شعيب عن أبيه عن جده قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم قوما يتدارؤون في القرآن يتدارؤون يعني يختصمون comme ça a été cité dans une autre narration dans Abi Daoud يختصمون في القرآن في القدر concernant le destin. Et donc, selon Amr ibn Shu'aib, selon son père, selon son grand-père, qui dit que le messager, il a entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, a entendu des gens qui se disputaient concernant le Coran. Ils se disputent concernant le Coran. Yadribu ba'duhum al-ba'd bi ayatillah. Et donc, certains. Ils utilisent certains versets contre les autres qui viennent avec d'autres versets, etc. C'est un débat. Ils débattaient avec le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Fakol, innama halaka man kana qablakum bihadha. Certes, les gens d'avant vous, il a dit sallallahu alayhi wa sallam, les gens d'avant vous sont tombés dans la perdition à cause de cela. Dans l'autre narration, il dit sallallahu alayhi wa sallam, أَبِهَذَا خُلِقْتُمْ. Est-ce que c'est pour cela que vous avez été créé? Est-ce que c'est cela qui vous a été ordonné de vous disputer concernant le livre d'Allah, tabaraka wa ta'ala, et qu'il s'est énervé sallallahu alayhi wa sallam? Ensuite, il dit sallallahu alayhi wa sallam, ضَرَبُوا كِتَابَ اللَّهِ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ. Et donc, les personnes des autres communautés, les communautés précédentes, ils opposaient certains versets du livre d'Allah à d'autres versets du livre d'Allah. Et donc, les anciennes communautés qui faisaient cela, et ça a été la cause de leur perdition. Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, wa innama nuzzila kitabullah, yusaddiku ba'duhu ba'dan. Certes, le livre d'Allah est descendu, il a été révélé. Et les versets, ces versets donc, vont approuver d'autres versets. Il n'y a pas, il veut nous dire, sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas de contradiction dans le livre d'Allah. Tabaraka wa ta'ala. Fala tukadhibu ba'dahu bi ba'd. Alors ne rejetez pas certains passages du livre d'Allah par d'autres passages. N'utilisez pas certains versets du livre d'Allah pour rejeter d'autres versets. فَمَا عَلِمْتُمْ مِنْهُ فَكُولُوا. Et donc, ce que vous connaissez, ce que vous comprenez des versets d'Allah, alors dites-le. وَمَا جَهِلْتُمْ فَكِلُوهُ إِلَىٰ عَلِمِهِ. Et ce que vous ne connaissez pas, alors délaissez-le pour celui qui le connaît, pour le savant qui le connaît. Si toi, tu vois une opposition entre deux versets, tu ne vas pas rejeter un verset à cause d'un autre. Mais tu demandes aux gens de science. Rawahu Ahmed wa Ibn Majah. Hadith rapporté par Ahmed ainsi que Ibn Majah. Ayyuha al-ikhwa, kama kulna sabiqan, laysa hunaka ta'arud fi kalamillah. Comme on a dit précédemment, il n'y a pas de contradiction dans la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allah azza wa jalla qui nous dit dans son livre, la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wa min khalfi wa la min khalfi. Le faux ne vient pas, ne le touche pas, c'est-à-dire ne touche pas le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il ne le touche aucunement. La bayni yadayhi wa la min khalfi. C'est-à-dire le faux ne touche aucunement le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Tanzilun min hakimin hamid. C'est une révélation qui est faite venant d'un sage digne de louange. Un sage qui sait parfaitement ce qu'il fait. تبارك وتعالى. ولهذا أهل السنة والمسلمون عامة يردون على أهل الملل. Et c'est pour cela que les gens de la Sunna, les musulmans de façon générale, même, ils vont répliquer aux adeptes des autres religions. La religion chrétienne, la religion juive. En leur disant que vous avez des contradictions dans votre livre. Ce qui prouve que ce n'est pas le livre d'Allah. Et on a déjà cité plusieurs exemples de contradictions. Notamment les contradictions qu'il y a dans la Bible. En citant un exemple, on avait déjà vu donc l'analogie donc de Jésus, ou excusez-moi, la généalogie de Jésus. Il y a deux généalogies qui sont citées pour Jésus, et les deux, elles se contredisent dans la Bible. Et donc les musulmans, ils viennent, ils disent, regardez votre livre, il y a des contradictions. Ce n'est pas la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, parce que Allah, c'est le sage. Il n'y a pas de contradiction dans sa parole. Et Allah, tabaraka wa ta'ala, qui nous dit aussi dans son livre, « Afala yatadabbaruna al-Qur'an ?» Ne médite-t-il pas sur le Coran ?« Walau kana min indi ghayrillahi la wajadu fihi ikhtilafan kathira » Et donc si ces paroles venaient d'autres qu'Allah, ils y auraient trouvé beaucoup de contradictions. الشافعي رحمه الله كان يستدل بهذه الآية ويقول اقرأوا كتب هذه لا بد أن تجدوا فيها أخطاء. Il dit, الشافعي, lisez mes livres. Il est impératif, il est obligatoire que vous y trouviez des erreurs. C'est obligatoire, il te dit, الشافعي, que tu trouves des erreurs dans mes livres. Pourquoi? Parce que Allah تبارك وتعالى il a dit ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه S'ils venaient d'autres qu'Allah, ils auraient trouvé beaucoup de contradictions. Et donc, il nous dit à Shafi'i, je ne suis pas Allah, donc c'est obligatoire qu'il y ait des erreurs dans mon livre, dans mes livres. Et donc, ô chers frères, il n'y a pas de contradiction dans le livre d'Allah, tabaraka wa ta'ala, et ça c'est vraiment important de le comprendre. Quand yakun hunak shay, tafham anna hunak ta'arud fi al-zahir. Il se peut que tu vois qu'il y ait une contradiction de façon apparente. Mais tu demandes aux gens de science et ils vont t'expliquer. Voilà pourquoi ajma' al-ulama ala 'adam jawaz at-tafsir ou ad-dukhul fi at-tafsir mimman kana jahilan bi kitabillah tabaraka wa ta'ala. Et c'est pour cela que les savants ils sont unanimes sur le fait qu'il est interdit de faire de l'exégèse concernant celui qui est ignorant. C'est interdit. Et ça, c'est quelque chose vraiment qui est très important, mon cher frère. Malheureusement, à notre époque, subhanallah al-ali al-azim, on a un peu tout le monde qui cherche à faire son explication du Coran. On a aussi des personnes qui viennent avec des explications scientifiques en nous disant voilà ce qui est voulu par tel verset. Voilà ce qui est voulu par tel verset. Dès que je me suis converti, on m'a donné un livre. On m'a donné un livre, donc, explication du vers du Coran, des explications scientifiques, etc., etc. Les savants, ils ont répliqué à ça. Ils ont répliqué à ça. El Coran yufassaru bil Coran. Le Coran, il est expliqué par le Coran. Wa yufassaru bil Hadith. Il est expliqué par le Hadith. وَيُفَسَّرُ بِأَقْوَالِ الصَّحَابَةِ Il est expliqué par les paroles des compagnons qui ont rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam. وَيُفَسَّرُ بِأَقْوَالِ التَّابِعِينَ Il est expliqué par les paroles des tabi'un, ceux qui ont étudié chez les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وَيُفَسَّرُ بِاللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ Et le Coran est expliqué par la langue arabe. Tel mot dans la langue arabe, ça veut dire ça. Tel mot dans la langue arabe, ça veut dire ça. Mais attention à tous ceux qui vont vous dire, ah oui, ça voulait dire que c'est telle chose. On a, en regardant les calculs mathématiques, et on trouve tant de fois tel mot dans le Coran, ça veut dire que... Allahul Musta'an. Et donc, faites très attention à ces gens-là. Barakallahu fikoum. il est interdit de rentrer dans le sujet du tafsir avec ignorance. Avec ignorance. Les grands des imams du tafsir, dans leurs livres, il y a des erreurs. Ce sont des êtres humains. Et donc, ils se répliquent mutuellement. Ils se répliquent mutuellement. C'est pour ça que tu vas prendre un tafsir, tu vas voir un avis ou plusieurs avis, tu vas prendre un autre tafsir, il va répliquer, etc. Parce qu'on est des êtres humains, ce sont des savants. Ils connaissent leur domaine, mais ce sont des êtres humains, ils peuvent se tromper. Que dire d'un ignorant qui ne connaît pas ce domaine ? Et aussi, ô chers frères, concernant le débat. Hal al-jidal manhiyu shar'an ? Est-ce que le débat est interdit, totalement interdit dans la législation ? Faqad yubahu al-jidal fi mawaqif. Le débat peut être permis, légiféré à certains moments. Li izhar al-haqq liman kana ahlan li dhalik, pour montrer la vérité pour celui qui en a la capacité. Wa radd ala ahli al-ahwa, et répliquer aux gens de la passion, et cela c'est le débat. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit à son prophète wa jadilhum billati hiya ahsan, et débat avec eux de la meilleure façon. Et donc oui, c'est permis de faire le de débattre, mais pour celui qui en a la capacité, sans opposer les versets d'Allah tabaraka wa ta'ala les uns contre les autres. Et cette tariqa, c'est la tariqa de Ahl al-Bida. C'est la méthodologie des gens de l'innovation. Ya'khudhuna ba'd al-ayat, ils vont prendre certains versets, wa yaruddun al-ba'd, ils vont rejeter certains versets. Pourquoi ? Ils vont prendre les versets qui correspondent leur croyance à eux. Ahl al-sunnati wal jama'a yu'minuna bil kitab kulli. Les gens de la sunna et du groupe, ils croient en tout le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et ça, c'est vraiment un point qui est très important, mon cher frère. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit فَلَا تُكَذِّبُ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ. Alors, ne rejetez pas une partie du Coran avec une autre. Ce que vous connaissez, alors dites-le. Ce que vous ne connaissez pas, alors demandez, laissez-le à son savant, à celui qui le connaît. فَكَمَا قُلْتُ لَكُمْ أَيُّهَا الْإِخْوَةُ فَهَذَا مِنَ الْوَاجِبَاتِ فِي الدِّينِ. Ça fait partie des obligations. سُؤَال أَهْلِ الْعِلْمِ. Le fait de demander aux gens de science. Et ça, c'est un gros manquement qu'on a à notre époque. Le fait de ne pas demander. Que chacun fait sa fatwa. Que chacun pense que c'est moi, je connais, etc. etc. Et ça, je ne parle pas que pour mes frères, mais même pour moi, même pour les imams, pour les étudiants. C'est important. Omar, radiallahu anhu, kana yus'al an mas'ala fa yajma'u kibar Quraysh. Omar, radiallahu anhu, il était interrogé concernant un sujet, alors il rassemblait les grands de Quraysh, il les réunissait pour demander leur avis. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Qu'est-ce que vous pensez? Nous, à notre époque, on vient, on te demande un truc. Ah, c'est ça, tout de suite. Tout de suite, on répond. Et certes, on verra un chapitre sur ce sujet, Inch'Allah ta'ala, car l'imam Mohammed Ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, il a abordé ce sujet, la précipitation dans la fatwa. Il a aussi abordé le sujet, l'interdiction, donc, de faire le tafsir, l'exégèse du Coran, avec notre hawa. Ça, on va l'aborder en détail, Inch'Allah ta'ala, avec les paroles des salafs, des pieux prédécesseurs, concernant ce sujet. Et on va arrêter là pour aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala. Et bi'idhnillah, demain, on va continuer avec un nouveau chapitre qui concerne l'importance d'étudier la science. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous accorder à tous une science profitable. Il est capable de toutes choses. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa jazakumullahu khayran.